Christ, la beauté par sa vie. Son nom divin, parqué en Christ, du Dieu par son amour, du Dieu par son amour, du Dieu, oui, du Dieu par son amour. Garde sa promesse du temps, de Dieu a créé son noir. Sa vie révélée du temps de la fin, du Dieu par son amour, du Dieu par son amour, du Dieu, oui, du Dieu par son amour. Du Dieu par son amour, du Dieu par son amour, du Dieu, oui, du Dieu par son amour. La gloire de Dieu par Christ, la beauté par sa vie. Son nom divin, parqué en Christ, du Dieu par son amour, du Dieu par son amour, du Dieu, oui, du Dieu par son amour. Garde sa promesse du temps, de Dieu a créé son noir. Sa vie révélée du temps de la fin, du Dieu par son amour, du Dieu par son amour, du Dieu, oui, du Dieu par son amour. Du Dieu par son amour, du Dieu par son amour, du Dieu, oui, du Dieu par son amour.